Outre le décès de Guy Lafleur et Mike Bossy au cours des derniers jours, c'est une nouvelle qui aurait probablement fait plus de bruit encore si on n'aurait pas, si on serait pas éprouvé par le décès de Guy Lafleur. C'est que Carey Price a finalement décidé d'aller à New York pour se faire observer le genou. Et une personne qui en avait parlé, que ça sentait pas bon à l'antichambre, c'est l'ancien gardien de but du Canadien des Nordiques de Québec, Stéphane Fuset. Et question un peu de voir où ce que comment il avait vécu ça. Évidemment, c'est un ancien gardien de but. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il avait vu ces gestes un petit peu douteux de Carey Price? On lui parle. Salut Stéphane. Salut, ça va bien? Ça va bien, Stéphane, effectivement. Donc, tu avais vu ça venir. J'ai écouté l'antichambre. J'ai pas écouté le match, mais j'ai écouté l'antichambre. Et tu avais vu ça venir, qu'il se secouait le genou un peu, puis ça, c'était de mauvais signe. Ben, durant le match, je te dirais ce match-là, puis l'autre match un petit peu aussi auparavant, là, on voyait qu'il n'était pas aussi à l'aise que lors de ses deux premiers matchs. On voyait dans ses déplacements là, qu'il y avait de la misère à se déplacer. Habituellement, Carey Price, c'est un gars qui est stable sur ses jambes. Il se déplace, mettons, d'un poteau, ses déplacements latéraux, là, de poteau à poteau. Souvent, quand le jeu il est près du filet, il va rester à genoux. Il va se déplacer avec des, on appelle ça des power push, là, mettons, ouais. Là, puis des pee push, là, qu'on appelle en termes de gardien de but. Là. Fait qu'il va rester plus souvent à genoux pour faire ses déplacements. Puis lors du dernier match, que j'ai remarqué, c'est que souvent, il était porté à se lever rapidement debout. Il n'était pas aussi confortable à genoux dans ses déplacements-là. Puis, on voyait vraiment qu'il n'était pas à l'aise. Là. À un moment donné, on le voyait quand il était debout durant une intermission, qui se secouait la jambe un petit peu là pour faire sûrement circuler le sang un petit peu plus. Ouais. Puis, tu sais, des fois, sa blessure a été au genou, mais durant ces deux matchs-là, est-ce que c'est encore le genou? Est-ce que c'est la hanche? Parce que des fois, quand tu reviens d'une blessure, tu compenses un petit peu avec d'autres parties de ton corps parce que tu sais, t'as toujours une petite crainte de te reblesser à ton genou. Fait que là, des fois, tu travailles un petit peu plus avec tes hanches, un petit peu plus avec tes aines. Fait que qu'est-ce que moi, je voyais là, durant ce match-là là, qu'il était vraiment pas à l'aise. Là. 4 matchs en 9 jours. J'ai entendu Martin Saint-Louis dire qu'il est fatigué. Mais, il n'a pas joué de l'année. En fait, c'était probablement de se tester lui-même le genou pour voir pour la suite des choses. Hein? Oui, ça, c'est sûr et certain. Là, c'est quand même pas énorme là, le nombre de matchs qu'il a joué en ce nombre de jours-là. C'est sûr que quand ça fait tout près de 6 à 8 mois, là, quelque chose comme ça, là, qu'il n'a pas joué, ça peut paraître gros. Mais il a passé quand même un 2-3 mois à essayer de se remettre en forme, d'être sûr de revenir à 100%. Fait que, tu sais, c'est une fatigue. Je pense que c'est tout simplement que son corps, d'après moi, il a peut-être pas répondu aussi bien que lui, il aurait pensé que son corps allait pour répondre. Là, t'es-tu inquiet, Stéphane, pour la suite des choses? D'après toi, c'est-tu le dernier... Est-ce qu'on a vu Carey Price pour la dernière fois? Parce que, tu sais, il y a des gardiens de but. Je pense, entre autres, à Ben Bishop. Je pense, entre autres, à Tuukka Rask, qui ont été pas mal dans les mêmes âges que le gardien de but Carey Price. Est-ce que tu penses que c'est inquiétant pareil? Ben c'est sûr qu'il y a une inquiétude. Là. Ça, ouais. C'est sûr et certain. Là. Quand tu reviens d'une grosse blessure comme ça, on sait que c'est une blessure à un genou, mais on ne sait pas c'est quoi la nature vraiment de l'opération qu'il y a eu à son genou. Fait que c'est sûr qu'il y a toujours une inquiétude. Il rencontre son médecin là, qui a fait de l'opération justement sur son genou. C'est comment je pourrais dire ça? Est-ce que c'est normal un petit peu qu'est-ce qui arrive présentement? C'est-tu seulement que l'inflammation qu'il y a dans son genou? C'est-tu seulement qu'un inconfort? Est-ce que le médecin va pouvoir vraiment vérifier si l'opération a été un succès à 100%, puis c'est en parlant avec lui. Est-ce que c'est inquiétant? Oui. Est-ce que c'est le dernier match de Carey Price? Ça, on ne le sait pas. C'est seulement Carey Price et son médecin qui peuvent répondre à ça. Là, vraiment. Donc, on devrait savoir au moins cet hiver. Hey, Stéphane, puisque je t'ai juste parlé de Philippe Dano. Philippe Dano connaît toute une saison avec les Kings de Los Angeles. Je dois faire mon mea culpa aussi. Moi, je trouvais que 5,5 millions, c'était beaucoup d'argent pour Philippe Dano. Sauf qu'il est en train de prouver vraiment 26 buts, 24 passes, 50 points. Le style de joueur qui est. C'est incroyable. J'écoutais Luc Robitaille hier dans un podcast avec sorti de zone de l'équipe du 98.5, puis il disait qu'il apporte toutes sortes de petits détails à un joueur de hockey, qu'un joueur de hockey, on ne voit pas nécessairement dans la game. C'est à peu près ça qui est arrivé, Philippe Dano, finalement. Mais es-tu surpris d'avoir 26 ouais, buts? Tu comprends? 26 buts va probablement se rendre à 25. Ouais. Sérieusement, là, tu m'aurais dit au début de l'année, Phil va scorer 25 buts, 26 buts. J'aurais dit, hey, tabarouette, c'est beaucoup de buts, là. Est-ce que je suis surpris? Oui, c'est sûr et certain. Je peux pas dire, tu sais, je m'attendais qu'il marque 25 buts, là. Je passerais pour un menteur, là. Mais c'est, oui, c'est un gros contrat, mais pour le type de joueur qui est, il n'y en avait pas encore de contrat de même établi dans la Ligue nationale. Fait que c'est pour ça que ça paraît énorme présentement. Mais là, lui, il vient de mettre, c'est vraiment le standard pour les joueurs comme Philippe Dano. C'est, avant ça, ça a été pour les gardiens de but, avant que Patrick Leroy ou Martin Brodeur signent un gros contrat, les gardiens de but ne gagnaient pas ce salaire-là. Fait que eux autres ont mis les standards. Fait qu'on va commencer à voir un petit peu plus des joueurs comme Philippe signer ce genre de contrat-là. Puis, qu'est-ce que Luc il dit? C'est, je suis 100% d'accord avec lui. Là. C'est un joueur qui apporte énormément dans une équipe. C'est un rassembleur dans une chambre d'hockey. Puis là, il a été chanceux que ça fitte bien aussi avec les deux joueurs avec qui il joue là-bas. Là. Il retrouve un petit peu qu'est-ce qu'il retrouvait à Montréal avec Tatar puis Gallagher. Fait qu'avec ces deux joueurs-là, il a trouvé vraiment une belle chimie. La grosse différence, c'est que il lui donne la chance de s'exprimer offensivement. Là. Il donne la glace sur l'avantage numérique. Puis, c'est pas à lui, à tous les matchs, de contrer le meilleur trio de l'autre bord. Parce que là, avec Kopitar, il y a un soir, c'est le trio de Kopitar qui va jouer contre le meilleur trio. Fait que le trio à Philippe Dano va pouvoir se concentrer offensivement. Un autre soir, mais ça va être le trio à Philippe qui va jouer contre les meilleurs trios de l'autre bord. Fait que c'est ça, là, ça lui donne vraiment plus de chances, plus d'opportunités de se faire valoir, de démontrer qu'est-ce qu'il est capable de faire offensivement. Ça, sans compter que ça ménage un peu une série Kopitar. Il ne rajeunit pas Kopitar. Absolument. Il reste peut-être 2 ans à sa carrière, 3 ans. On ne sait pas le nombre d'années, là, mais je pense que ça, le fait que Phil ait le genre de saison qu'il a présentement, ça rassure énormément les Kings pour le futur. OK. Ben, Stéphane, merci beaucoup. Au plaisir de se reparler un autre tantôt. N'importe quoi. L'ancien gardien du Canadien des Nordiques de Québec, Stéphane Fils.